How to come on here, I must grow up to see the La chance qui me chante, la life que fait pour Dieu. C'est comme le bon moment, ça fait du bien à ne plus. Je raconte des histoires, en écoutant sa voix. C'est pas vrai des histoires, mais moi je crois. Des histoires, des scénarios chinois, c'est pas vrai des histoires.